J'ai grandi, je veux toujours pas quitter le quartier. Je veux pas partir, non, non, je veux pas partir. Fais pas style, tu me connais pas, je suis là depuis paranoïa. Tu m'as haï pour rien, moi je t'aimais bien, tu pars rouillé. 2017, tu pars rouillé, je suis encore là le maillot mouillé. Je suis là, mes chèques, si je coule, écriront tous alléluia. Je me suis toujours débrouillé, même si le bonheur il m'a douillé. T'inquiète, je bois tout et même quand on veut m'amadouer. Y'a trop de frères écroués, avec la rue faut pas jouer. En cellule, tu m'as les mamas et l'estomac noué. Si tu parles dans la voiture, elle a versé des larmes. Autour au cœur, tu se préparais le parachute, elle t'allait des armes. Ma chambre elle était vide, sans mon frérot c'était bizarre. J'aimais pas me retrouver seul, alors on était tout le temps plusieurs. J'avais d'autres potos qui braquaient avec des plans par-ci par-là. Ils ont purgé sur pépé, ils viennent à peine de sortir là. Je me rappelle des games testés, y'avait un bruit, on était plein. On mettait 2€ chacun pour pouvoir mettre le cardin plein. Un été c'était le feu, y'avait tout le quartier à la Ciota. Et ne regarde pas travers, si le poteau se bat, on va tous sauter. On tous connu avec la Twingo, je faisais des freestyles de dingo. Tout le quartier dans ma chambre, mais qu'on insultait le comico. Au chalon le Sancho, dis-moi comment battu. T'étais tout le temps avec nous, t'as fait de la tôle, j't'ai plus revu. Vas-y, viens, le quartier revit, même si c'est plus comme avant. Mais y'a toujours autant de filles qui nous font des commandos à la pente. Et ouais, il manque des gens, mais qu'est-ce que tu veux, c'est la vie. Faut tracer son chemin pour reconstruire son avenir. J'ai grandi, je veux toujours pas quitter le quartier. Je veux pas partir, non, non, je veux pas partir. J'ai grandi, je veux toujours pas quitter le quartier. Je veux pas partir, non, non, je veux pas partir. Poto, vas-y, souris, c'est pas voulu quand je t'oublie. D'entrée, tu te fais des films, d'entrée, tu t'es vu me doubler. La Honda, bande de fada, on va sortir la madate. Mon Atiko, Asdin, les deux, Wassim, Mehdi et Amada. Je croisais Norit dans la cité, il était comme moi dans la galère. Et quand maman n'était pas bien, je voyais la mère Tilou, sa mère. Avant l'école, tous les matins, avec mon frère, c'était bagarre. Je voulais mettre FIFA, lui, GTA, on n'était pas d'accord. Je faisais du sport, j'allais au foot. Après, j'ai commencé la fuite. C'est avec les gens du quartier que j'ai fait mes premiers feats. Mes premiers daily tweets. Sale équipe dans les écouteurs. J'écoutais du son de Marseille, y'avait que des tueurs. J'avais pas de studio, j'montais en Vespa jusqu'à traite. J'oublie pas les frangins de là-bas et le groupe La Stress. J'représente les computers qu'on pif et rousse. On crève ton bâtiment de bande à chaque équipe, fallait des flous. On n'oublie pas les temps pleins. Au charbonnement dans l'Agdar. Tu te dis qu'il faut faire le pain quand t'as pas un, t'as la dalle. Et dédicace à KTS, on double par la voie de détresse. Ouais, fils. Ça claque le bénéf à la roulette. C'est chaud ce combio, demande à Fabio. C'est avec lui que j'ai grandi dans le barrio. On a souffert, demande à Gilou. Une pensée pour son père, j'oublie pas, et c'est l'as pour Baby Boy. On a tourné métro la rose, on a fait TP en clash jusqu'à ce qu'on me déscolarise. J'ai grandi, je veux toujours pas quitter le quartier. Je veux pas partir, non, non, je veux pas partir. On a le démon alcoolisé, ouais. Monde à Teddy, c'est comme ça au quartier, de toute façon c'était écrit. Et demande à Mousse, la vie c'est dur, il faut des flouses. Pour avoir des nouvelles choses, on aime bien les bons délires, les planètes rap et les concerts. On reste fort malgré les coups bas, demande à Moubzer. Je dans ma chambre que ça règle, on veut péter la baraque. S'il faut se lever le matin pour te fournir, demande à Tarek. Ce sont je tenais à le faire, avant que mes yeux se ferment. Ce sont je tenais à le faire. Avant que mes yeux se ferment. Avant que mes yeux se ferment.